Voici le deuxième billet, dicté par Don Salluste à Rublas. Moi, Rublas, laquais de Monseigneur le Marquis de Finlas, en toute occasion, ou secrète ou publique, m'engage à le servir comme un bon domestique. Et Rublas doit signer ce billet de son propre nom.